11 et 6, activation orale, prononciation, leçon U, révision. Écoutez et répétez. Des études. Un cumulus. L'institut. Un nimbus. Une jupe. Un stratus. Un nuage, un cirrus.